Ça, c'est le réglage écho slapback. Il l'utilise, Malcolm, dans certains morceaux, quand il fait le contrepoint avec lui-même. Tu dirais qu'il y ait juste un retour d'écho, aussi fort que la note que tu as fait, et comme ça joue ce que tu joues en décalé. Et donc, tu arrives à jouer en canon avec toi-même. Ça, c'est sympa à faire. C'est un autre réglage délai à trouver.